RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir, Slasher. Bonsoir, Scream. En forme? Très très bien, et toi? Bien, bien, bien. On attend Sylval qui va arriver d'un moment à un autre, hein, voilà. Aujourd'hui, spécial Hellfest. Pourquoi? Parce que c'est déjà... Oui, le jour est très très proche. Très proche. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, on a décidé de faire un spécial Hellfest. On ne pourra pas vous jouer tous les groupes qui vont... Non, sur 50 groupes, je crois que là, Rico, on va lui demander de jouer jusqu'à demain matin. Voilà, donc on va jouer un maximum de groupes, un peu nos coups de cœur et tout ça aussi. Hein. Et aussi, on aura des concours pour vous faire gagner des goodies Hellfest. On aura 4 packages avec 4 sacs. Vas-y, comme c'est toi qui as regardé un peu le Sacs. Il y aura 4 sacs composés de gobelets, de bons de réduction pour des magasins EMP, etc. Portes, des accroches gobelets et deux capotes. Et bien entendu, le beau sac Hellfest qui peut servir de sac de plage. Beau sac, oui. Voilà, donc tout ça, ça va être dans le courant de l'émission. Hein. Donc on va un peu vous jouer des groupes qui vont se présenter sur les différentes scènes du Hellfest. Hein. Oui, notamment. Donc, et aussi, on va vous donner des heures de passage pour certains groupes, notamment, qui vont se présenter. Là, comme je vous dis, on ne pourra pas jouer tous les groupes. Quelques groupes, vous devez connaître. Voilà, oui. Donc, par contre, on vous rappelle, le concours, ce sera assez simple. Hein, faut pas vous tracasser. On vous posera une petite question qu'il faudra répondre soit en MP3 ou en MP3, mais en MP. En message privé, en MP, ou tout simplement sur la page rivedenfer.rqc@gmail.com. Yes. Donc rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà. Donc le vendredi. Parce que bon, tout d'abord, comme je vous ai dit, le Hellfest commence, quant à lui, déjà le jeudi soir. Hein, le jeudi soir, on est déjà au taf le jeudi soir, nous les amis. Yes. Plein d'interviews. On a des interviews et tout. Donc, on va se prêter au jeu. Les groupes vont se prêter au jeu. On leur a demandé. Et c'est super, super sympa. Oui. Qu'ils veulent bien se prêter au jeu des interviews. Et donc, on va se partager ça avec Sylvain, le Slasher, et moi-même. Donc, et oui. Pour les interviews. Et on va vous faire ça vraiment dans le bon et du forme. Donc, il faut savoir que le jeudi, déjà, on a Blitz qui vient, on a... Blitz, on a Lex Incorporation, je crois. Lex Incorporation, on a Mantra qui sera en interview, on aura Mantra en interview. On aura Tina Turner, Fraser. Oui. On aura les Iron Bastards aussi qu'on réalisera une interview. Et bien entendu, il y aura aussi des soirées DJ, ça aussi bien. Ouais, il y aura DJ Mike qui était venu à la warm-up. Tout à fait, oui, bien, t'as une bonne mémoire, c'est très très bien. Ah bah oui, on m'appelle Connor l'éléphant. le slasher à la mémoire d'éléphant. Donc voilà, donc on attend incessamment, donc normalement Sylvain va bientôt arriver. Il oui. y a sûrement du monde sur la route ou le taf, ah bah, que voulez-vous bah oui. Ça, les aléas, le taf avant tout, hein, la radio c'est de la passion, le taf avant tout. Alors, le vendredi, ben ça c'est un groupe, je vais parler en pour Sylval parce que je sais qu'elle adore. Hein. Oui. C'est Inglorious yes. qu'on aura en interview. On attend juste la confirmation de l'heure. De l'heure notamment. Oui. Par contre, c'est eux qui vont ouvrir la main stage. La main stage 2. Oui, c'est toujours un honneur d'ouvrir la main stage au Hellfest quand même. Ouais, c'est. Et c'est... de la fermer. Ouais. Mais bon, c'est un peu dur aussi parce que le public oui. arrive, ils ne sont pas très très nombreux, mais bon, c'est très bien de se retrouver sur une main stage au Hellfest. Et là, on va se jouer un titre d'Inglorious, et on va s'écouter donc, un extrait du nouvel album, l'album qui s'appelle Two, et on va s'écouter Taking the Blame, et on se retrouve tout de suite après pour continuer. C'est parti, c'est parti. Just stay right. You are found this time. Avec ça, bah, tu vois, Slasher, si les campeurs ne sont pas réveillés déjà le vendredi, eh ben, franchement, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Hein, parce que franchement, ça démarre du chapeau de roue, ça joue très très bien. Donc voilà, donc Inglorious, donc, avec le titre Taking the Blame, groupe qu'on aura donc en interview ce jour-là, normalement, à moins qu'ils ne fassent un jour de plus. Mais ça m'étonnerait. Vu qu'ils sont ailleurs après. Alors, il y a aussi donc au main stage, il y a aussi le Sidney Larsen, Mirat. Oui, qu'on a vu en phoneur, Mirat qu'on a vu en interview. Voilà, tout à fait, Texture, je vous en passe d'autres. Après, on va s'arrêter sur un groupe Evergrey. Oui, Evergrey, oui, avec leur excellent album The Storm. Voilà, justement, et on va s'écouter le titre The Storm. Ah, quelle coïncidence, quoi. Quelle coïncidence, enfin. Oh, que diable. Et on se retrouve tout de suite après, on continue cette programmation Hellfest, donc spéciale, comment on dit spécial Hellfest, et oui. D'ici une petite dizaine de minutes, on va lancer le premier concours pour remporter donc le premier package Hellfest. Yes. Je sais pas si t'es d'accord. Allez, c'est parti. You talk. Voilà, donc si vous n'avez jamais vu l'occasion, si vous allez au Hellfest et que vous n'avez pas eu l'occasion de voir Evergrey qui était passé il y a quelques mois de cela avec Cobra and the Lotus et mes souvenirs sont bons, D-Lane, eh ben, c'est l'occasion pour vous d'aller les voir. Ils jouent, eux, ils passent à exactement 14h20. Voilà. Donc juste là on va lancer peut-être le premier concours vu qu'on a 4 packages. On va faire le premier concours, hein. Donc c'est pour remporter un package. Tu rappelles ce qu'il y a dans le package éventuellement? Alors il y aura un gobelet officiel de la warm-up. Donc c'est limité, hein, je crois, c'est limité, c'est sûr. Ouais, c'est les gobelets qui ont été distribués qu'à la warm-up. Qu'à la warm-up, donc vous voyez, vous n'avez pas été à la warm-up, vous en avez. Il y a des capotes, 2 capotes de la warm-up aussi, un porte-gobelet EMP et des bons de réduction pour vos magasins métal favoris. Et bien entendu, tu oublies... un magnifique sac Hellfest. Super sac Hellfest qui peut servir pour le sac de plage ou quand vous allez promener en famille ou faire des courses. Voilà, et le sac, il est à l'effigie de l'affiche du Hellfest. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, tu as fait la photo et elle figure sur la page Rive d'Enfer. Facebook, voilà. C'est simple, la question est toute simple, vous répondez soit... en message privé ou tout simplement par mail à riffdenfer.rqc@gmail.com, donc riffdenfer.rqc@gmail.com. La question est toute simple, dans quelle ville se passe le Hellfest? Dans quelle ville se passe le Hellfest? Le premier ou la première qui aura répondu remportera donc ce premier sac. Alors nous on continue avec un groupe qui sera lui sur la Temple Valkyria. Oui. Valkyria, eux qui jouent à 13h35 avec tous Secretos. C'est parti. Eh ben c'est pas mal du tout, c'est Valkyria avec oui. Donc le titre « Tout secretos ». Alors voilà, ça ne sert à rien de continuer à écrire ou à répondre les amis. Ça a été remporté, félicitations à toi Vaken. Félicitations, voilà, tu as remporté le premier. Il nous a dit « Ah c'est trop simple, c'était Clisson ». Oui, mais plus on va monter, plus les questions seront un peu plus compliquées. Oui. Voilà, c'est un peu les premières qui ont répondu. On va dire ça, c'est ceux qui ont la plus de chance, car les questions vont devenir un peu plus compliquées, corsées. Voilà. Donc, félicitations à toi, Vaken, pour cette réponse. Donc, c'était Clisson, bien entendu. Alors, aussi... on vous parlera aussi de certaines conférences de presse qu'il y aura lieu. Donc c'est bien simple, si vous êtes ami photographe ou quoi, vous avez reçu sûrement, vous devez recevoir au compte-gouttes les groupes qui ne feront pas d'interview, mais qui feront plutôt des conférences de presse. Donc on peut quand même les shooter, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a deux groupes qui ont été annulés. Donc il y a Yorn qui a annulé. Oui. Sa venue, malheureusement. Et aussi Wasp, lui, qui est remplacé par Dee Snider. Alors, un groupe qu'on va encore avoir aussi en interview ce vendredi. Le vendredi, oui. On est toujours le vendredi au Hellfest. Eux, ils vont jouer de 15h05 à 15h55. C'est un peu dommage, parce que c'est un groupe avec des costumes et tout. Ils mériteraient de jouer quand il fait nuit. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Oui. Il s'agit d'Avatar. Wow. Voilà, donc nous on attend aussi, on a l'heure d'interview est calée et tout ça, donc ce qui est super bien pour Avatar, donc on aura le ressenti car on a l'interview juste après la scène, donc on aura le ressenti à chaud. C'est parfait. Voilà, on va s'écouter New Lens, extrait de l'album Feather and Flesh d'Avatar. Oui. Thank you. pas mal du tout, hein, quand même, l'Avatar. Hein. Excellent. On les a vus plusieurs fois, des gens super charmants aussi. Oui, et des grands copains. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, on rappelle un petit peu, parce qu'il y a des personnes qui nous demandent, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce sac, parce qu'ils n'ont pas tout entendu. Oh là là, hein. Oh là là, là, pas attentif, hein. Ils ont du persil dans les oreilles. Alors, vas-y, Slasher, Donc alors, encore une fois, il y a des gobelets officiels de la warm-up, des préservatifs officiels de la warm-up, un porte-gobelet EMP et des bons de réduction pour vos magasins métal favoris. Et bien entendu, un sachet. C'est pas un sachet, c'est un sac carrément de plage. Un sac carrément, oui. Voilà, donc un sac de plage à l'effigie de l'affiche du Hellfest. Donc après Avatar, encore une fois, un groupe qu'il faut franchement voir sur scène. On les a déjà vus. Moi, pour ma part, même si la Toré fait un très très bon taf derrière, pour moi, ça ne vaut pas Govstead, mais bon. Voilà, il assure quand même très bien. C'est Queensryche. Oui, Queensryche. Et on va s'écouter donc Guardian, extrait de l'album Condition of Human. Et là, on vient d'avoir un message de Sylvain qui malheureusement est bloqué toujours à son taf. Elle est vraiment, vraiment désolée de ne pas être présente aujourd'hui. Mais on peut vous rassurer, elle sera avec nous au Hellfest. Oui. On lui fait un petit coucou et courage à toi. Courage pour le taf, Val. Voilà. Allez, Queensryche, c'est parti, c'est maintenant. Et d'ici une petite vingtaine de minutes, deuxième concours pour la deuxième fournée. Voilà. Allez, c'est parti, Queensryche. It's time to run, time to waste, time to waste. Excellent, excellent, Queensrÿche quand même, Guardian, Extra Album Collision Human. Eux, ils seront sur la main stage de 16h à 16h40, 40 minutes. Voilà, et franchement, ils font des scènes normalement de 2h à tomber raide mort, je vous le conseille. Alors là, après, c'est un peu un dilemme. Pourquoi ? Parce que sur la main stage à 16h45, en même il y a Divine to Send Project, Divine to Send, qui a entre autres chanté sur l'album Sex and Religion de Steve Vai, un mec carrément déjanté, carrément barré. Chaque album ne se ressemble pas. Il peut faire un album de death, comme il peut faire un album de fusion. Voilà, c'est un Canadien. C'est vraiment super ce qu'il fait, ce mec. Là, par contre, on avait essayé de caler une interview avec monsieur Divine to Send, mais non, il a accepté de faire tout simplement une conférence de presse après son set aussi, aux alentours de 19h, une conférence de presse de Divine to Send. Yes. Et en même temps, et là, c'est un peu un dilemme, c'est un groupe franchement que je vous conseille d'aller voir aussi. Donc il faut un peu se couper parce que c'est sur la Temple, c'est Tyr. Ah oui, Tyr, qui joue eux aussi de 16h45 à 17h35. Donc voilà, ben, je vais vous laisser choisir. On va d'abord s'écouter à Divine to Send Project avec Star. Et après, bon, on reviendra et on continuera à vous présenter cette spéciale Hellfest. On en profite pour faire un petit coucou à tous les potos qui nous... Oui, à tous les auditeurs, qui nous font des petits coucou. On va très très bien, les amis. Voilà. Merci pour avoir pris des nouvelles. Voilà, c'est très très bien. Et vous verrez, par contre, on aura une gueule de déterré, ce sera plutôt lundi prochain. Oui. Ça, c'est moi qui vous le dis. Allez, c'est parti. Let's go. Alors ça, bien sûr, ça se passe sur la Main Stage 1. Hein. Oui. C'est Divine Two Cents Project, si vous aimez. Hein. Ben voilà, donc il vous reste maintenant, si vous préférez aller voir Tyr, ben, c'est en même temps. Et c'est à la Temple, donc c'est un peu plus loin. De toute façon, il ne faut pas vous tracasser, il y a bien entendu un plan. Hein. Et si vous avez chargé, comme tu avais parlé, l'application Hellfest. Oui, Hellfest, vous avez des exclusivités, des titres gratuits. Et aussi le plan pour vous y retrouver. Le plan, le passage des groupes, la description des groupes, etc. S'il y a du retard et des choses comme ça. Voilà, oui. Donc on va s'écouter Tyr, hein, le titre que Nation, de, qu'on vous avait dit donc, de Tyr, si vous choisissez d'aller voir Tyr. Ben voilà, vous allez pouvoir apprécier vous-même. Et vous allez pouvoir vous donner une opinion de ce que vous préférez aller voir, les amis. De toute façon, à mon avis, vous savez déjà qui ou quoi vous allez aller voir. Oui. We'll be right back. Voilà, Tyr, donc, qui est pas mal du tout. Hein. Je vous conseille de les voir quand même. Hein. Mais voilà, ben, c'est un peu dur quand on est en festival de choisir oui. quand il y a deux groupes qui se partagent la même heure. La même heure, donc, voilà. Soit donc c'était Divine Two Cents ou Tyr. Voilà, parce qu'après, donc, toujours sur le main stage, il va y avoir Powerwolf, vous les présente plus. En même temps, il y a Red Fang, qu'on vous présente plus non plus. Il y a Firespaw, qu'on vous présente plus non plus. Mais alors, à 18h35, il y a un super, super groupe d'Indus qui s'appelle tout simplement Ministry. Ah, Ministry. Et là, on attend toujours la voir si il va avoir des interviews ou des conférences de presse. On n'en sait rien encore toujours. Ça tombe au compte-goutte. Et donc voilà, on croise les doigts pour l'interview. Mais bon, à mon avis, ce sera plutôt une conférence de presse. Oui. Et là, par contre, Ministry, ben, c'est un peu un choix parce que soit c'est Ministry en main stage ou alors en Warzone, Tagada Jones. Donc voilà, c'est encore une fois, plus on avance dans les heures, plus les groupes vont un peu se jouer en même temps. Hein, parce que bon, après oui. Ministry, par exemple, il y a Behemoth qui va jouer en même temps que Badness et Cryptozy. Voilà, donc vous voyez, c'est pas évident. Nous, en attendant, on va s'écouter nos amis donc de Ministry. On se retrouve tout de suite après, les amis. This is about what's going to happen. The setup. The setup. The chemical reaction they fear. Here's my prediction of what is to come. The perfect storm is coming. There's nowhere to run. Storm is gonna stir. Mais putain que ça joue, Ministry. Perfect Storm from Beer to Eternity, c'est le titre de l'album. Ben voilà, ils seront sur la main stage à partir de 18h35 pour un set plus ou moins d'une heure. Donc en même temps que Tagada Jones, donc voilà, si vous voulez, vous avez le choix, hein, soit de la Warzone, soit la main stage. Alors après, bon, comme je vous ai dit, il y a Behemoth. 20h45, c'est Deep Purple, mais je vais pas vous jouer un morceau de Deep Purple. Oui. En même temps que Belphégor et les Ramoneurs de Menhir, donc là il y a Patch. Enfin, franchement, moi je vous dis, allez voir les vieux de la vieille Deep Purple, ça met toujours une bonne claque. Nous on les a vus avec Sylvain il y a un mois, non, il y a même pas un mois, il y a 15 jours, et on s'en est pris plein la gueule. Oui. Alors après il y a Electric Wizard, ou alors il y a tout simplement des gens qui nous viennent de Floride. Ah. Il s'agit de Obituary. Et là franchement c'est à voir aussi sur scène. C'est des gens super charmants, super sympas. Là aussi on est en attente d'une interview, on verra bien. Et là on va s'écouter Sentence Day de Obituary. Juste oui. Avant on va lancer le deuxième concours, hein, donc pour remporter encore le sac. Tu rappelles ce qu'il y a dedans? Alors, il y a des gobelets, des préservatifs, un porte-gobelet et des bons de réduction pour vos magasins. Et le fameux sac à dos. Sac de plage, pas sac à dos. Enfin, slasher. Voilà, et là, on nous répond en même temps, c'est assez marrant. Ben, qu'il y en a qui se dépêchent, qui se réjouissent d'être sur la main stage, enfin devant la main stage pour voir Ministry. D'autres qui disent, ben, Tagada Jones, c'est mort, on préfère voir Ministry. Ben voilà, c'est bien d'avoir les avis partagés, oui, comme ça. Donc voilà, la deuxième question, tout simplement. En quelle année, je dis bien en quelle année, ah, donc vous répondez bien entendu soit par mail, Sir Riff d'Enfer, donc R-I-2-F d'Enfer en un mot. Oui. @rqc@gmail.com, donc riff d'enfer @rqc@gmail.com, ou alors tout simplement en message privé pour remporter ce fameux sac avec les goodies. En quelle année a été réalisé le premier Fury Fest? Fury Fest, donc voilà, vous répondez à un message privé et vous remporterez le sac. Allez, on va s'écouter Obituary Sentence Day. Oh, Ça décoiffe quand même Obituary, hein. Franchement, on vous conseille d'aller les voir. Donc c'est sur Obituary, c'est à l'altar à 21h50. Voilà, donc ne jouez plus, ça a été remporté. Bravo à toi, Agnès, qui a remporté donc, le Fury Fest. Je te laisse dire la date, l'année. Alors l'année, c'était en 2002. Voilà, en 2002, le Fury Fest. Voilà, donc vous vous désespérez pas, il reste encore deux sacs avec les goodies à gagner. Donc voilà, bien bravo à toi, Agnès. Alors, toujours sur la main stage, il y a nos amis Sabaton hein, qui jouent. Là, ça va un peu chevaucher en même temps que Marduk et Rensing. Et puis après, là, franchement, j'ai vu à ses débuts, c'est un grand réalisateur de films. Franchement, sur scène, ça décoiffe pas mal. Oui. À mon avis, il y aura sûrement des contrats photos. Peut-être, voilà. Il s'agit tout simplement de monsieur Rob Zombie, Robert Batley Gummings. Ou toi, tu connais le nom et le prénom, t'es un ami intime alors. Hein. Voilà. Non, pas un ami intime, mais plutôt guitariste. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Parce que tu m'as parlé qu'il voulait faire quelque chose de spécial. Alors là, il va vous faire une bombe exclusivité, mais une bombe. Ça, c'était presque un rêve pour nous de voir ça. Il va amener tout son show déjà américain en Europe, donc c'est-à-dire les grosses statues et tout. Et il va jouer un album monstrueux de White Zombie, c'est Astro Creep 2000. Ouais, je peux te rassurer, moi j'ai vu cette tournée Astro Creep 2000 à l'époque de White Zombie avec Yann Setsoul, bien entendu, qui était sa bassiste, hein, qui était sa copine aussi. Et c'est là après qu'il a flashé sur Sherry Moon. Et oui. Voilà, on connaît la suite. Et franchement, c'était une superbe tournée. Je les ai vus du côté d'Asselt, si mes souvenirs sont bons. Donc, tu vois, c'était au Grasse Pop, je crois. Non. Moi je les ai vus du côté d'Asselt. Donc pour te dire, j'ai vu donc White Zombie, j'ai vu Rome Zombie. Et c'est franchement un show, c'est à voir, et ça tombe super bien car il joue à 23h25 et c'est bien parce qu'il fera nuit. Un show de nuit, ah. Et Rome Zombie avec les couleurs et tout, les lights, ça vaut le coup. Et en plus de ça, il joue en même temps qu'Autopsy et Monster Magnet. Il n'y a pas photo. Hein, voilà, allez voir Rome Zombie. Allez voir Rome Zombie. Allez, par contre, on va vous jouer, nous, le titre de Rome Zombie qu'on va vous jouer. C'est extrait de l'album The Electric Warlock Acid Witch. Le titre qu'on va vous jouer, c'est un titre assez court quand même de Rome Zombie. Aujourd'hui, je vous rappelle juste qu'il n'y aura pas de balade. Et on va s'écouter Well, Everybody Freaking in a UFO. C'est parti. Ah, c'est du grand Rome Zombie, les amis. Make it affect the pretties, make it affect the pretties, make it affect the pretties, make it affect the pretties. We'll be right back. c'est vraiment un truc de fou, excellent. C'est excellent Rob Zombie. Voilà, je vous conseille d'aller franchement le voir, vous ne regretterez pas. Là c'est pareil, on attend soit une confirmation pour une conférence de presse, mais oui. Franchement c'est un mec qui répond vraiment à tout, je peux vous le dire. Alors pour terminer ce vendredi, ben, soit on a le choix, vous avez le choix, avec In Flame à 1h du matin jusqu'à 2h05, ou alors si vous voulez faire la fête, si vous voulez vous prendre pour Jack Sparrow, peut-être, oui. Eh ben, allez voir Alerstorm à la Temple. Il n'y a pas photo. In Flame, ça déménage, ça déboîte. Mais si vous voulez faire la fête et la beuverie, eh ben, la Temple avec Alerstorm, c'est franchement chouette. D'ailleurs, on ne sait toujours pas à quelle heure on aura l'interview avec ces gugus. Voilà, on aura l'interview d'Alerstorm normalement. Et. Allez les voir, franchement c'est de la musique à faire à la fête. Et on va s'écouter donc justement pour terminer le vendredi Alerstorm avec Bar and Imbiss, oui. Extrait de l'album No Grave But the Sea, ce fameux groupe écossais qui déconne même à 10h du matin en interview. Je peux vous le dire, je peux le confirmer, quand on vous fout les doigts dans le nez, quand on se prend pour le capitaine Crochet, à 10h du matin, ça fait mal au réveil. Alors Storm, Bar and Imbiss, c'est tout de suite, c'est maintenant. One night I sailed the seas of dark Thurungia. I thirsted for an ale, so I headed to a bar. Slumpy was the name I saw above the door. A curious smell came flowing out, so I went inside for more. We have for you to eat. Sausage. Et une fois qu'on aura bien fait la fête du vendredi, ben on ira un petit peu se reposer, hein. Voilà, pour être frais et dispo, frais comme un gargon, pour le samedi, car le samedi on redémarre sur les chapeaux de roue avec nous. Hein. Il y a les New Rose avec Neurosis, donc eux ils commencent à jouer à la main stage à 11h05 minutes. Oui. Donc voilà, en même temps que Monolith et Verbal Reason. Donc voilà, on va s'écouter un extrait de nouvel album, The New Rose, I Believe, et on se retrouve tout de suite après. Bah, c'est pas mal du tout pour un Réveil Espace Slasher. Bah, là, c'est le samedi, hein, pour se mettre un peu dans l'entrain. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal du tout, la programmation du samedi aussi. Hein. Après, bah, on a un peu du calme, on va dire ça comme ça. Oui, on se repose un peu. Et puis après, vers 12h15, on a The Dead Daisy, qu'il faut voir. Ah bah oui, c'est clair. avec Monsieur Corabi. Corabi qui a été à un moment donné chanteur de sur l'album de Motley Crue, l'album du titre éponyme Motley Crue. Voilà, mais bon, je préfère ce qu'il fait avec avec The Dead Daisy. Eux, ils joueront de 12h15 à 12h45, un petit set de 30 minutes, mais pas mal du tout. On va s'écouter un extrait. On va s'écouter Evil. Ça joue, The Dead Daisy, Evil, franchement, voilà. Franchement, on est impatients. On est impatients, et en plus, t'as vu, ça se suit, hein. Oui. Alors après, on a Ultra Vomit, si vous voulez déconner, allez les voir, c'est des parodies, hein. Après, bon, bien entendu, on a Phil Campbell and the Bastard Sons, c'est donc, bien entendu, l'ex-guitariste. Phil Campbell, enfin, on peut pas dire l'ex-guitariste, vu qu'il n'a pas été viré, mais contraint, du coup, au décès de Lemmy. Voilà, d'arrêter donc oui. Motörhead. Alors après, on a si vous voulez, c'est toujours dans l'esprit un peu festif, hein, on peut dire ça comme ça. On a les Ugly Kid Joe. Oui, Ugly Kid Joe. Et franchement, c'est à voir sur scène. Enfin, je les ai vus à l'époque, à leur courante époque, où ils ouvraient encore pour Def Leppard, et c'était vraiment la déconnade en plein. J'espère que ça l'est toujours. Eux, ils seront sur la main stage 1 de 15h05 à 15h55, et on va s'écouter un titre, leur titre phare, hein, Everything About You, donc de Ugly Kid Joe, et on se retrouve tout de suite après, les amis. Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand? Terrible, terrible, et Vicky Joe, Everything About You, eux donc sur la main stage numéro 1 à 15h05, et donc je crois que le samedi, donc 17 à Clisson, et le dimanche ils seront chez nous à Lille. Voilà, mais nous on sera toujours à Glison. Donc voilà, pour remporter le troisième sac, tu rappelles ce qu'il y a dedans, s'il te plaît, Slasher? Oh là là, Scream! Des gobelets, des gobelets, des préservatifs, des porte-gobelets et des bons de réduction et un magnifique sac de plage, si tu veux dire, Duel Fest. Voilà, donc pour remporter, c'est simple, répondez en message privé. Oui. Quel est le prénom et nom du fondateur du Hellfest? nom, prénom du fondateur du Hellfest et vous pourrez remporter ce troisième sac. Voilà, nous on poursuit donc toujours en main stage 2 à partir de 16h jusqu'à 16h50, des vieux de la vieille Pretty Maids. Ils seront aussi du côté de l'Alcatraz. Et là, on va s'écouter un titre Future World, donc bien entendu de Pretty Maids. Je rappelle que Ugly Joe ne donne pas d'interview, mais oui. À 18h30, ils seront en conférence de presse à Clisson. Voilà, donc Pretty Maids, c'est tout de suite, c'est maintenant, avec le titre Future World. Nothing left to say. Pretty Maid sur la main stage à 16h. Ils vont jouer à 7 de 50 minutes. C'était Future World. Voilà, ne jouez plus, ça a été remporté. Bravo, Yannick. Bravo. Donc, le prénom et le nom de, du créateur du Hellfest, c'est Ben Barbeau. Donc, Benjamin Barbeau. Benjamin Barbeau. Voilà, et eh ben bravo à toi. Donc il en restera un qu'on fera gagner aux alentours de d'ici un petit quart d'heure. Oui. Donc après, la température va monter à mon avis à Clisson. J'en suis sûr et certain. Sûr. Après, on va il va monter sur scène à 16h55 des fous. Mais des fous. Des fous. D'ailleurs, ça, à mon avis, Zep pourrait faire une BD sur eux. Oui. C'est les Steel Panther. Ah, oui. Donc, il va y avoir des boobs à Terre Larigot sur scène et même dans la plaine. Donc voilà, on va avoir des boobs un peu à gauche, à droite. Et il s'agit donc de Steel Panther qu'il faut voir sur scène, franchement. Pareil pour les boobs, hein, les amis. Non. Mais franchement, ça dégage une énergie, un humour aussi. Et, oui. Et c'est génial. Et c'est des gens super, super sympas. Pareil, Steel Panther ne donneront pas d'interview. Ça a été confirmé. Mais par contre, conférence de presse de Steel Panther. Eux, par contre, c'est avant de monter sur scène à 14h30. Voilà. Et on va s'écouter justement, parler de boobs. On va s'écouter Big Boobs de Steel Panther. Oui. You're so stupid that you don't even realize that you could put your penis in her vagina. Yeah, but I'm the lead singer. I should put my penis in her vagina, dude. Why don't I fucking put my penis in her vagina, dude? Why don't we all three put our penis in her vagina, dude? How you're fucking talking, dude. Man, if my mom had tits like hers, I'd still be breastfeeding. Yeah, dude, your mom is one hot piece of ass, dude. I know. You're a dick. Big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big boobs, big bo Les Steel Panther. Voilà, Big Boobs. Et franchement, ça parlait beaucoup de pénis. Hein. Je sais pas si vous l'avez entendu. Donc voilà. Donc après, on est toujours sur la main stage. Hein. Il y a Trust, le retour de Trust. Il y a Tourissas. Il y a Dry. Il y a Pain of Salvation. Il y a Saxon qu'on ne vous présente plus. Oui. Et alors après, on a aussi un groupe qu'il faut voir sur scène, franchement ça déménage, et c'est tout simplement Airborne. Ah oui, Airborne. Airborne, eux ils vont jouer à partir de 21h05 jusqu'à 22h15, donc un petit set d'1h10 sur la main stage. On va s'écouter justement un titre, Too Much Too Young Too Fast de Airborne. Donc juste à l'instant, Airborne, Too Much, Too Young, Too Fast. Ils seront donc sur la main stage du Hellfest à 21h le samedi. Yes. Voilà, à voir, franchement, c'est un groupe qui déboîte. Alors le concours pour remporter Le dernier sac, je te laisse rappeler ce qu'il y a dedans, je sais, tu as l'habitude maintenant. Oh, j'en ai marre. Alors, il y a des gobelets de l'avoir meup, des capotes de l'avoir meup, un porte-gobelet EMP et des bons de réduction pour votre magasin et un magnifique sac Hellfest. Voilà, c'est simple, la question est toute bête. Combien de scènes comporte le Hellfest ? Combien de scènes comporte le Hellfest ? Le premier ou la première à répondre soit sur rivedenfer.rqc@gmail.com ou alors en message privé remporte le dernier sac. Nous on va s'écouter encore un groupe qui sera sur la main stage jeu à 22h20, c'est Apocalyptica. Là c'est pareil, donc ils ne donnent pas d'interview ni rien, ça a déjà été confirmé. End of Me, c'est tout de suite, c'est maintenant de Apocalyptica. Voilà, donc c'était Apocalyptica avec End of Me, qui seront donc sur la main stage. Oui. Deux. Alors après, vers 23h25, je ne vais pas jouer un morceau, mais c'est Aerosmith. Oui, Aerosmith, hein, plus besoin de les présenter. Voilà, et bon, allez les voir, car c'est leur seule date en France. Oui. Après, ils ont dit qu'ils arrêtaient, maintenant, bon... Apparemment, il y a des bruits de couloir comme quoi ils n'arrêtaient pas. Ouais, ben bon, c'est des bruits de couloir, c'est un peu comme Scorpion, ils n'arrêtent pas. Et ils sont toujours en tournée d'adieu. Donc voilà, on verra bien. Ils étaient d'ailleurs reçus à Danier, pas longtemps. Ouais. Allez quand même les voir. Aerosmith, il y a des gens, hein, qui font que le déplacement, qui ont pris rien que leur passe samedi, rien que pour aller voir Aerosmith au Hellfest. Juste après, ben, si vous voulez, à minuit, à 1h du matin, pour bien embanguer, bien se remuer le cerveau, et ben il y a Creator. Et ça c'est sur la main stage 2, en même temps que Suicidal Tendency, donc qui eux joueront à la Warzone. Donc ces deux groupes à voir, ces deux groupes qui déboîtent. Donc voilà, le choix, ben, c'est à vous de le faire. Nous on va s'écouter Creator avec Hail to the Earth, extrait d'album God of Violence de Creator. Voilà, donc c'est ça, ce sera pour terminer la soirée du samedi. Hein. On ne pourra pas vous jouer beaucoup de morceaux, malheureusement, du dimanche. On est vraiment désolé, mais on est pris avec le temps. Hein. De toute façon, le dimanche, il est un peu plus light pour nous, pour le temps faire. Voilà, quoique quand même, il y a quand même Prong, Skindred, Blackstyle Rider, Death Note, A Day to Remember, Devil Driver, Alter Bridge, Prophet of Rage, Metal Church, Slayer. Il y a quand même quelques groupes à voir. Franchement, le groupe qu'il faut vraiment voir, car il ne tourne pas des masses. Oui, c'est Blue Oyster Cult. Voilà, Blue Oyster Cult. Le culte de l'huître bleue, c'est ce que ça veut dire. Oui. Et on va s'écouter un titre que j'affectionne. Eux, par contre, ils font une conférence de presse, donc de Blue Oyster Cult, 2 heures avant leur show. Oui. Donc, eux, ils seront à 17h30 en conférence de presse. Sinon, ils jouent à 19h40. On va s'écouter Veteran of the Psyche War, extrait de l'album Fire of the Knoll Origin de Blue Oyster Cult, titre que j'affectionne particulièrement. We'll be right back. Voilà, pour moi, c'est le groupe à voir du dimanche. Oui. Eric Bloom et consorts, groupe qui existe depuis 1967, vous vous imaginez. Blue Oyster Cult, qui a déjà beaucoup controversé à l'époque, avec un sigle et tout ça, qu'on croyait qu'il appartenait aux nazis et tout ça. Franchement, à voir quand même. Hein. Blue Oyster Cult, Veteran of the Psychedelic War. L'avant-dernier groupe qu'on va s'écouter avant de se quitter, ils sont aussi à l'affiche au Hellfest, sur la main stage, Five Finger Dance Punch, Jekyll and Hyde, c'est tout de suite. There's just so much goddamn weight on my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder. Wear a smile on my face, but there's a demon inside. There's just so much goddamn weight on my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder. Wear a smile on my face, but there's a demon inside. Shoulders that you can't just live your motherfucking life. The story's getting old and my heart is getting colder. I just wanna be Jekyll, but I'm always fighting Hyde. You got rocks in your head, I can hear them rolling round. You can say that you're above it, but you're always falling down. Is there a method to your madness? Is it all about pride? Seems everyone I know, they got a demon inside. Alors voilà, Slasher, il est temps de se quitter, nous. Hein, malheureusement. Voilà, on se retrouve, nous, là, peut-être la semaine prochaine, si on n'est pas trop claqué de notre Hellfest, pour une émission de compte-rendu de tout ce qu'on aura vu, tout ce qu'on aura entendu, tout ce qu'on aura apprécié, pas avec apprécié. Une voix hein. Comme ça. Voilà. Ouais, avec une voix peut-être à côté. Voilà, nous, on se fixe rendez-vous peut-être la semaine prochaine, donc pour une nouvelle émission Rive d'Enfer avec Sylvain, le Slasher. Voilà, nous, on vous dit ciao. Si on se croise au Hellfest, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. On ne mord pas. On se quitte avec Death Nuts, qui sont aussi au Hellfest avec Purgatory. Ciao les loulous. Ciao. Ça marche pas. Mais si ça marche. Là, il faut faire...